La boutique du rire. Un de mes amis, un médecin célèbre, ne veut plus être entouré des visages de mauvaise mine dans ses loisirs. Pendant son travail, il en voit déjà assez. Si vous n'êtes pas un homme heureux, qui rit souvent, vous pourrez néanmoins vous aider vous-même. Une soirée à la comédie ou dans un film amusant balayera la mauvaise humeur. D'ailleurs, il existait autrefois au cœur de Paris une boutique du rire, un magasin dans lequel on pouvait acheter tout ce qu'on avait besoin si on voulait rire de temps en temps. La Bruyère remarqua que quelqu'un qui faisait rire les autres n'était rarement respecté. Ceci est une erreur absolue. Rire n'est ni vulgaire ni scandaleux. Pensez à Einstein, par exemple, qui tira la langue à son photographe. Quoiqu'étant très célèbre, il n'avait pas besoin d'être discret. La plupart des dieux, même le plus strict parmi eux, le dieu de la Bible, aiment également le rire. Et en Asie, les gens créèrent avec Bouddha un dieu riant. On disait déjà dans les siècles passés que l'homme riant aimait la vie. Je crois que mon ami le médecin peut exercer sa profession corps et âme parce qu'il aime s'amuser bien le soir. « Viens, on va rire un coup !» Il m'a proposé récemment comme si on dit « on va boire un coup ». Les gens heureux ne sont-ils pas la preuve vivante que le bonheur existe encore aujourd'hui? Mais malheureusement, la boutique du rire sur l'île Saint-Louis n'existe plus. Qui est-ce la rouvrira ?